J'ai perdu mon temps, mon frère, et peut-être même mon cœur. Si tu m'aimes, dis-moi ce que je dois faire pour oublier cette rancœur. Ils sont jaloux, j'ai pris trop d'avance. Disque d'or, j'ai pas pris de vacances. Bien, tu sens la cadence. Rapta sur mes sons, ça fait des pas dedans. Je veux partir de là et tout, ça vite vite. Je m'entends te faire kiffer sur le beat beat. Et ouais, même ta femme pour des souhaits kit kit. Pour un autre, elle court plus vite que bip bip. Y'a des gens bizarres autour de moi qui tournent. Toujours armé quand ça va faire un petit tour. Tu vis qu'au quartier quand les flics qui tournent. Pour mon manager, j'irai jamais, j'quitte tout. J'en ai le cœur qui bat et des larmes qui coulent. Pour sentir fort, il porte crédit couille. Ça peut paraître ridicule. Suffit d'un BDH et c'est le check qui coule. J'sais pas si tu me comprends. J'sais pas si pour toi, j'suis content. Mais sache que tout ce que je t'ai donné, c'est avec le sourire. Content, ouais, j'poto. Regarde, il me disait mon frère, même plus on se regarde. Ouais, ma life a changé. À cause de je reste sur mes gardes. Ils font tout en traite, j'en ai mal au dos. Pour les jaloux, y'a pas de repos. Ils diront plus que j'ai pas de couilles quand je vais leur mettre. C'est la reco, j'grandis, j'oublie pas. Et j'note, j'reste le même et j'fuck les lèches-bottes. Mais j'fuck les lèches-bottes. J'reste le même et j'fuck les lèches-bottes. 6h, ça pète, y'a les flics devant la porte. Arrête de descendre, faut se cacher dans l'appart. Fais pas le con, ne menace pas la proc. Ta vie entre ses mains, elle a toutes les cartes. Campus à pète, le volet te l'écarte. Marseille, c'est chaud, c'est charbon et les cartes. Une envie de prendre des joues et de faire des chats. Thomas dit, Joule, vas-y, tartelet. T'es dans la légende, vas-y, marque-les. Les BDH, faudrait les marteler. Pour les frères qu'on arrache derrière les barbelés. Tu me lèves, j'trouve la haine. Tu parles pas, tu pleures seul comme un enfant, on tard le soir. Ils m'ont levé mon cœur, j'commence à réaliser, mais j'arrive pas à y croire. Liga One pour tous les jaloux. On se taillerait de là si ça tenait qu'à nous. Franchement, rien à foutre debout. Dans vos murs, ne parlez pas de nous. En plus je me vide pas, tu te plains quand on te demande de service. Mais quand c'est pour toi, tu viens, t'hésites pas. J'écris ce texte, pétard au bec. L'arme qui coule, salée sur mes pecs. Je reste en indé, je préfère l'amour d'un frère que le gros chiffre qu'il y a sur vos chèques. L'honneur, le respect, pour moi ça vaut cher. Quand un de nous tombe, les ennemis font cher. Les blablateurs, t'inquiète, je m'en charge. Je vis tout le monde et je peux te dire que les faussaires. Y'a plus d'amour, cœur ouvert en deux. Y'a que Moïse couvre la mer en deux. Donne ma confiance, on me la rend peu. Je n'aime pas les gens qui se lamentent. Sans forcer, ils veulent ce que j'ai acquis. Ça me dit qu'ils disent que c'est y'a que des putes. Et que personne dit, wesh, tu parles à qui. Ils ne parlent pas en face. Pour moi, c'est que des pétasses. Ils marronnent de nos lives, ils apprennent de nous pour faire des pécétas. Depuis que j'ai le buzz, j'ai de nouveaux goûts. Depuis que j'crème, j'ai de nouveaux coups durs. On est 5-6 à se tenir les gouttes. On avance à se mélanger pour éviter les coups de pute. Que tu parles de moi, alors écoute-toi. Tout ce qu'il faut, je m'en bats les couilles, toi. Au check, tu fais le padré, mais tu sors d'où, toi. Je crois que t'es le premier qui va goûter le douce, toi. On parle pas, on passe à l'acte. On se fait discret, évite les balades. On mène des vies de malade, perruque, lunettes, évite les banales. La crise au mic, gravée dans les annales. On fait ça donc, va prendre Tupac. Devant moi, ils deviennent tout pâle. À croire qu'ils ont vu Tupac. La poche, je veux la quitter, dans le cœur, j'ai un couteau. Crois, dans l'océan, je suis la goutte d'eau. Je n'écoute pas tous ces mythos. Je fume pour oublier et je me nique les chicots. Et je sais pas, ouais, je sais plus, même plus je sais pas. Car y'a que des putes, personne t'épargne, tout le monde sait pas. Et tout le monde oublie le jour où on te déplume. Je vis au jour le jour sans penser à demain. Les faux culs me tournent autour, dis-leur que j'ai deux bras de main. Dégoûté de mon life, j'ai même plus quoi mettre. Et les MC, ils sont light, ils savent même plus où se mettre. Mais qu'ils me laissent. Je laisse parler de moi, mais qu'il me laisse. Je veux me niquer, tu t'es cru ou toi?